Forge. Grosse forge. C'est ainsi qu'on appelle ordinairement les usines où l'on travaille le minerai du fer. La manufacture du fer, la plus nécessaire de tous les métaux, a été jusqu'ici négligée. On n'a point encore cherché à connaître et suivre une veine de mine, à lui donner ou ôter les adjoints nécessaires ou contraires à la fusion, et la façon de la convertir en fer utiles au public. Les fourneaux et les forges sont pour la plupart à la disposition d'ouvriers ignorants. Le point utile serait donc d'apprendre à chercher le minerai, le fondre, le conduire au point de solidité et de dimension qui constituent les différentes espèces de fer, à le travailler en grand au sortir des forges, dans les fonderies, batteries et fileries, d'où il se distribuerait aux différents besoins de la société. Le fer remue la terre, il ferme nos habitations, il nous défend, il nous orne. Il est cependant assez commun de trouver des gens qui regardent d'un air dédaigneux le fer et le manufacturier. La distinction que méritent les manufactures de cette espèce devrait être particulière. Elle met dans la société des matières nouvelles et nécessaires. Il en revient au roi, un produit considérable, et à la nation, un accroissement de richesses égal à ce qui procède de la consommation du royaume et pas chez l'étranger. Pour mettre cette partie sous les yeux, en attendant de plus amples connaissances, on a suivi l'ordre de travail et des opérations. Suit l'énumération de 13 des opérations. Article 2, Bouchu.